し。Thanks, Susan. Whoa, whoa. Easy.Je me mets à genoux, c'est pour apprendre un coup d'épée. Tu m'as mis un seul coup dans le flou, t'en as parlé tout l'été. Je vais te retweeter ta grand-mère, votre rien sous Giuseppe. Je suis sur un transat, moitié rabat, je pense à toi du bout des pieds. Je mets des gants pour faire la vaisselle, AK-47 sous les pieds. Sénégal, on fait ses tirs, TKR ou mouté, mais faut être armé, baka. T'as fait du F par bout des pieds, sur les mamies, on se balade. 9-7-3 Félix. Où est ta main, tu rentres seul dans les tests sans aucun souci. Mais t'es une dizaine à la boutique. Porte-toi avec ma ceinture Gucci. Kobe-1 Kenobi, je devrais pas combattre l'être humain. Lâche comme un terroriste, puis 10 ans, 0, 8 ou moins. Nero, Nemesis, sur le hiéroglyphe cousin. Quand nous on part de mêler, rapproche ta Toulouse, frère. C'est une blague. Les plus courtes sont les meilleures. Fuck la misère, t'as plus de mineurs. Money, bâton, toutes les meilleures. Ouais, ouais, ouais. On fume la noix, tu sniffes la drinos. On rendra ni les âmes, ni flow amigos. Ouais, ouais, ouais. On fume la noix, tu sniffes la drinos. On rendra ni les âmes, ni flow amigos. Un peu d'argent, tu trafiques le terrain. N'est plus qu'il était. Numéro 1 dans la street road, neige en hiver, j'ai ce qu'il est. J'achète ici, va louer là-bas. Piste Breton, chalet noir, reine de Saba. Slalom dans la mer, ouais, nous ça va. Ta carrière au fond de la mer comme Obama. Ouais, ouais, ouais.